Matthieu chapitre 18. En cette même heure là les disciples vinrent à Jésus, en lui disant, qui est le plus grand au royaume des cieux? Et Jésus ayant appelé un petit enfant, le mit au milieu d'eux, et leur dit, en vérité, je vous dis, que si vous n'êtes changés, et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque deviendra humble, comme est ce petit enfant, celui-là est le plus grand au royaume des cieux. Et quiconque reçoit un tel petit enfant en mon nom, il me reçoit. Mais quiconque scandalise un de ces petits qui croient en moi, il lui vaudrait mieux qu'on lui pendît une meule d'un au cou, et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, toutefois malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Que si ta main ou ton pied te fait broncher, coupe-les, et jette-les loin de toi, car il vaut mieux que tu entres boiteux ou manchot dans la vie, que d'avoir deux pieds ou deux mains, et d'être jeté au feu éternel. Et si ton œil te fait broncher, arrache-le, et jette-le loin de toi, car il vaut mieux que tu entres dans la vie n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux, et d'être jeté dans la géhenne du feu. Prenez garde de ne mépriser aucun de ces petits, car je vous dis, que dans les cieux leurs anges regardent toujours la face de mon Père qui est aux cieux. Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ce qui était perdu. Que vous en semble? Si un homme a 100 brebis, et qu'il y en ait une qui se soit égarée, ne laisse-t-il pas les 99, pour s'en aller dans les montagnes chercher celle qui s'est égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité je vous dis, qu'il en a plus de joie, que des 99 qui ne se sont point égarés. Ainsi la volonté de votre Père qui est aux cieux, n'est pas qu'un seul de ces petits périsse. Que si ton frère a péché contre toi, va, et reprends-le entre toi et lui seul, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute point, prends encore avec toi une ou deux personnes, afin qu'en la bouche de deux ou de trois témoins toute parole soit ferme. Que s'il ne daigne pas les écouter, dis-le à l'Église, et s'il ne daigne pas écouter l'Église, qu'il te soit comme un païen et comme un péager. En vérité, je vous dis, que tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre, sera délié dans le ciel. Je vous dis aussi, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, tout ce qu'ils demanderont leur sera donné par mon Père qui est aux cieux. Car là où il y en a deux ou trois assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors Pierre s'approchant, lui dit, Seigneur, jusqu'à combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi, et je lui pardonnerai? Sera-ce jusqu'à sept fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à sept fois septante fois. C'est pourquoi le royaume des cieux, est semblable à un roi qui voulut compter avec ses serviteurs. Et quand il eut commencé à compter, on lui en présenta un qui lui devait 10 000 talents. Et parce qu'il n'avait pas de quoi payer, son seigneur commanda qu'il fût vendu, lui, et sa femme, et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût payée. Mais ce serviteur se jetant à ses pieds, le suppliait, en disant, « Seigneur, aie patience, et je te rendrai le tout. » Alors le seigneur de ce serviteur, touché de compassion, le relâcha, et lui quitta la dette. Mais ce serviteur étant sorti, rencontra un de ses compagnons de service, qui lui devait 100 deniers, et l'ayant pris, il l'étranglait, en lui disant, « Paie-moi ce que tu me dois. » Mais son compagnon de service se jetant à ses pieds, le priait, en disant, « Aie patience, et je te rendrai le tout. » Mais il n'en voulut rien faire, et il s'en alla, et le mit en prison, jusqu'à ce qu'il eût payé la dette. Or ses autres compagnons de service voyant ce qui était arrivé, en furent extrêmement touchés, et ils s'en vinrent, et déclarèrent à leur seigneur tout ce qui s'était passé. Alors son seigneur le fit venir, et lui dit, « Méchant serviteur, je t'ai quitté toute cette dette, parce que tu m'en as prié. Ne te fallait-il pas aussi avoir pitié de ton compagnon de service, comme j'avais eu pitié de toi ? » Et son seigneur étant en colère, le livra au sergent, jusqu'à ce qu'il lui eût payé tout ce qui lui était dû. C'est ainsi que vous fera mon Père céleste, si vous ne pardonnez de tout votre cœur chacun à son frère ses fautes.